paniquer du faussaire. Dans nos halls, rien que ça visait. T'es toujours foncé dès que tu rentres chez toi. T'as ta run, t'as gris même sous ta visière. Je veux de la thune et rien que de la thune. Monde à Brahim, comment on gère une demi-fortune. Les MC Rapsus, gratte la tête pendant que mes gros tapent une grande brune. T'es pas au courant, genre que c'est que j'irai artisan. J'espère que sa fille terminera dans des films art ou dans nos clips en dessous, encore nos CUS. Fais plein de secours. Et n'oublie pas de les déclarer à la sécu. Me parle pas de ce 13 de Sarkozy. Il prend nos sous, il nous encule et baisse carré sur un jet ski. Ici bas, faut arrêter de faire les victimes. Je me baisse, le FN et toute sa dream team. Une pensée pour les familles qu'ils ont péri en Palestine. Les soi-disant meufs, je viens, on se fréquentait le pénis. Un an après, avant leur pleurer. Si ton pote sert ta boule après une rupture, mais lui la plus grosse des pitures. Quand tu me payes à la fin en petite coupure. CCCRF Morsac, numéro 1 dans la U. CCCRF et Morsac vous rapace. Nique les putes, tous les gars, on les met à 4 pattes. J'dors même plus, j't'as 24 sur 24. Si tu joues chaud, tu te mangeras une patate. J'aime rapper pour les mecs bourrés. Nique sa mère maigré, j'arrive taré. J'm'en bats les couilles de ta vie, ton flow. Moi j'nique les toxicos. Tu parles derrière, j'te chie dessus. Tu parles devant, j'te pisse dessus. Les gars, ma parole c'est des tortues. J'pique rap, tu chies, ils ont rien vu. Le trou pour les jeunes c'est trop dur. T'es trop fier quand tu récupères ta peau. Tu perds un proche, c'est trop dur. Morsac, CRF, on rap trop dur. Tes parents divorcent, une arme en plus. Des enfants tristes, y'en a de plus en plus. Morsac, CRF, on rap trop dur. Tes parents divorcent, une arme en plus. Des enfants tristes, y'en a de plus en plus. Tu perds un proche, c'est trop dur. Morsac, CRF, on rap trop dur.